enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bainfumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Bonjour, bonsoir, surtout et bon début de nuit. Ça va? On recommence pas. On poursuit l'intolérance auditive. J'espère que tout va bien. Mes petits enfants, mon oncle Reynald va vous raconter une belle histoire. Si vous êtes sage, même si vous l'êtes pas. Ça, cette histoire s'intitule Le Petit Chaperon Rouge. Oui. Vous avez été sage cette semaine. C'est ce qu'on m'a dit. En haut, là, on m'envoie des ondes, là. Hein? Rétroactif. Quand le peuple n'est pas tranquille, les membres de CKRL, parce que si vous ne saviez pas, là, à même votre carte de membre, vous avez une puce. Et puis votre puce, ça fonctionne à l'énergie. Si vous dégagez de la bonne énergie, c'est envoyé en haut. Quand c'est envoyé en haut, ça m'est renvoyé en bas. Et donc, c'est comme ça que je peux savoir si vous êtes sage. Et vous l'êtes. Alors, je vous embrasse partout. Et c'est pour ça que je vais vous raconter l'histoire du petit chaperon rouge, les amis. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle. Même plus que folle, elle en était complètement marteau. Le génie, ça des marteaux, mais il y a des fois que ça rend marteau. Ouais, ça, c'est en prenant 3-4 Valium, là, elle était rouge. Le chaperon rouge était rouge. Rougissant. Ça, c'est quand sa mère la serrait trop fort dans ses bras. Arrête, maman! Parce qu'elle était folle amoureuse, la maman, de son petit chaperon. Elle était folle. Bébé folle. J'accroche sur le folle. Puis elle était tellement folle du petit chaperon rouge que dans sa tête de maman folle, elle écoutait « Je suis amoureux ». Il faut être fou, hein, mais c'est une vraie folle. Elle se promenait toujours avec son petit pot de Valium puis son balada. Le balada. Qui chantait ça. Ça donne mal à la tête, l'enlever, monsieur. Alors, cette belle femme, cette bonne femme, je tiens à vous dire l'histoire, sa maman n'était pas très jolie. C'est pour ça, elle faisait de oui, exactement, madame, du reflet dentaire. Non, mais c'est parce qu'elle relevait le défi de la revoir en haut. Sur la terre, dans la terre. En tout cas, c'est une autre histoire. Et donc, elle projetait en elle toute la beauté qu'elle n'avait pas, la maman folle. Parce qu'elle était folle. Ben oui. Et puis, cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge. C'est pour ça qu'il y a le titre, là, hein? Non, mais le bonhomme est allumé, celui qui écrit ça. Lui aussi était sa Valium, qui lui servait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Comprenez? Pas compliqué. C'est pour les enfants de 3 ans. Là, hey, allume, toi, là, hey, la coupole, là. Arrête d'aller au centre vidéo Étron, puis lâche-toi lousse, man. Les mots d'enquête, hein? Et puis donc, cette bonne femme, on l'a dit ça, un petit chaperon rouge. Un jour, ou l'autre jour, là, parce qu'elle se réveillait pas tout le temps, ses Valium, là, wow, elle partait des 3 semaines, là, puis oh. Je voudrais voir le mur du son, où il voudrait faire cette chanson. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, des bonnes galettes aux fraises. Les fraises de l'île, on ne dit pas dans l'histoire, là, mais c'est de l'île d'Orléans, l'île de Félix, comme je l'ai fait la semaine dernière. Là. Pour supporter le difficile, la semaine dernière, y'a une tourelle dans le noir qui veut. Les fraises de l'île. Hein, aïe aïe, avez-vous mon cordon digital? C'est une émission expérimentale. Mentale. Ça, c'est la maman du chaperon rouge mental, le fragile. La carpette qu'elle lui levait dans le cervelet. Ça, c'est un petit coup de dent. Oh mon Dieu Seigneur, il y avait de la poussière qui levait, pas juste de la poussière, les idées noires. Ah! Et puis, il servait de CB partout, elle l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, on était rendu là. Un jour, sa mère ayant cuit et fait des galettes avec des petites fraises de l'île. Mais là, c'est pas des petites fraises là, qui poussent dans les arbres, c'est par terre. Petites fraises des champs, là. Hey, moi, les bras m'en tombent à chaque fois quand j'en cueille, là. Hey, monsieur, je dis écureuil d'écureuil. Parce que j'y vois tous mes amis, les écureuils, qui me regardent. Qui me disent Réal. Oh, on est tout autour, on mange des petites fraises des champs, puis eux autres, ils restent avec leur noisette. Mais moi, les noisettes, là, à part dans la petite crème brune, là, pas que les petits écureuils font, là, mais brune, la tartinade noisette, la tartine à putain, la tartinade noisette. Et puis donc, les fraises de l'île, chapeau rouge partout, bon, malade. La galette lui dit, bon, un jour, sa mère ayant cuit, il fait des galettes, lui dit, c'est pas la galette qui lui dit, c'est sa maman. Comprends-tu? Pour les enfants de 3 ans, j'espère. Pige. Et elle lui dit, « Va voir comme se porte ta grand-mère, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Moi, j'aurais rajouté peut-être une petite crème aux fraises. Fraises de Lille. L'île d'Orléans. L'île d'Orléans, c'est beau et propre, comme vieux Québec, comme les moulins, comme Beauport, comme Charlebourg. Comme partout au Québec, la tâche quoi. Le cul, elle se supporte de la barre, il n'a pas sur la barre, Et puis donc, le petit pot de beurre, le petit chaperon rouge, partit aussitôt que sa maman un peu folle, tu sais, celle-là, a fini ses pots de valium. Ben oui, va voir sa maman, elle courait presque tout nu. Mais voyons donc, toi, l'allumer. La lumeuse de réverbère, c'est avant j'aimais ça, cette femme-là. C'est avant j'aimais ça en dessous. Le petit poro rouge partit aussitôt pour aller voir sa maman qui demeurait dans un autre village. À trois pistoles. Trois pistoles. C'est l'armaturge, là. Puis dans les voyeux. Whoopsie. Et puis donc, en passant dans un bois, elle rencontra compère. Compère, ça, c'est. Il y avait plusieurs rangées, hein, des compères, des con-mères, des con-grands-pères, des con-arrière-grands-pères, arrière-arrière. Plus ils sont arrière, plus ils sont cons. Mais lui, c'était le compère, le loup. Comment ça fait peur, le loup? Aou! Aou! Quoi, ça? C'est des marmottes qui regardent le loup. Et les compères, le loup, qui eut bien envie de la manger. Le cochon. Oh. Hein? Non, mais les petits pots de... Les fraises de Lille que la maman n'a pas voulu mettre dans le panier. Sais-tu pourquoi? Elle avait plus d'argent. Elle avait acheté trop de Valium. Et puis, mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt, les beaux gros bûcherons du Québec, là, qui ont monté le Québec, qui ont descendu tous les arbres. Même pas à la scie, même pas à la hache, aux dentiers. Ils n'enlèvent pas de dents. Eux autres, le blé dingue à côté de ça, le blé dingue, là, il devenait fou. C'est pour ça qu'on appelait ça, puis on appelle encore ça des blé dingues. Ils sont complètement fous! Ça se mangeait, le blé dingue. Ah, mon Dieu. Bien. Mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait, la pauvre enfant qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup qui lui dit c'est qui dit un loup lui dit je vais voir ma mère grand à lui porter une galette avec un petit... Non, mais ça doit être le petit pororo, ça m'a le raconté dans l'histoire, là. On va dire que c'est la petite fille. Je vais voir ma grand-mère qui lui va lui porter une galette avec un petit bout de beurre afin que ma mère lui envoie... Ben, on recommence, Rita. Moi, j'ai mon cours Florent, là. Ah, mon conservatoire, là. Ah, désespoir. Alors, on recommence. Je vais voir ma grand-mère et lui porter un petit pot de beurre et que ma mère lui envoie. Demande-t-elle bien loin, lui dit le loup. Hein? Demande-t-elle le mieux? Ah oui, dit le bûcheron, le petit chaperon. Oui, le chaperon bûcheron. C'est par là, partout. C'est par là, le moulin. Oh, le moulin avant, le moulin va trop vite. Le moulin va trop fort. Le moulin est par là. Voyez, tout est là-bas. La première maison. La première maison. Quand ça coule, c'est pas juste de l'eau. Mais dis-moi, pourquoi ce jour se cache-t-il derrière l'inutile? Mais l'inutile, mon petit dormi. Oui, petit chaperon de là, ben, dit le loup. Je vais l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici. Pas là, ici, là. C'est la petite rangée du milieu, là. Si vous voyagez un brin du côté de Chaperon Rouge, vous verrez cet insignifiant qui s'envole par la main. Vous pouvez pas le manquer, prenez le marchepas pavé, près de la maison, vous verrez, il y a des dents qu'on a plantées. Oh oui, le petit Chaperon Rouge, c'est par là le moulin que vous voyez tout là-bas, la première maison du village. Eh ben, dit le loup, eh ben. Je veux l'aller voir moi aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici. Et lui par ce chemin-là. Et nous verrons qui sera le plus tôt, qui y sera le plus rapide. Et moi, j'irai par là, partout, parmi, par vous. Et on comprend ça. Allez, ça fait 3 ans. Valium, Rita, valide-moi l'histoire, place 57, je vous salue, Chaperon Rouge, pleine de rougeur. Non, il n'y a pas de diffusion de sang encore, ça s'en vient! Réveillez les enfants, ils aiment ça! Le loup se mit à courir de toute sa force, mais il était constipé. Mais quelquefois, il pouvait purjuter quelques liquides étranges revenus de ce postérieur. Bon, n'importe quoi, ce loup-là. Il a mangé des bûcherons. Et hey, ça, c'est dur, sa patate. Oh, il y avait 2 grosses patates qui pendaient. Puis, il avait mal. Il courait quand même, mais il avait des mal. Il courait avec ses petites pattes en arrière, petites pattes en avant, petites pattes croches. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court. Et la petite fille s'en alla. Bien sûr, c'est une jeune ingénue qui ne connaissait rien à la vie. Aux cigognes, aux enfants et à tout le reste. S'en alla. Et puis, en ce dimanche de la Pentecôte, mes amis, vous qui êtes ici devant la chair fraîche, fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusa à cueillir des noisettes. Ben oui, du Nutella, à cueillir du Nutella. Et puis, à courir après des papillons. Oh, moi aussi, je cours après des papillons. En hiver. Oh. Les papillons d'hiver, là, hein? Avec leur truc, point, ils tombent tout le temps dans la neige. Je dis, les imbéciles, mettez pas de la laine, c'est trop lourd pour vous autres, vous n'êtes pas capables de voler aussi haut, là. Mettez-vous des capuchons de watt, hein? Des capiches de watt, des chapeaux de watt. Vous n'êtes pas des 100 watts, hein? Comment un nettoyeur à oreilles, là, un patton-tige. Comment ça a de watts un patton-tige? 2 watts. Patton-tige. Faut pas prendre des patton-tiges pour nettoyer les oreilles parce que ça renfonce le jaunâtre. Ouais. Le beurre, les petits pots de beurre. Ça renfonce le petit pot de beurre. Puis si vous mangez votre galette puis il n'y a plus de petits pots de beurre, prenez votre couteau dans l'oreille. Des patton-tiges. Hein? Oui, il n'y a plus de beurre, mais il y a plus de pot de beurre. Rénal m'a dit, il y a des... Ah, c'est ça. Le loup se mit à courir de toute sa force. On le chemin, on le dit, hein, sa grand-mère. OK. Et s'en alla, le petit chemin le plus long. S'amusant à cueillir des noisettes. Hein, ça, c'est le petit chemin roulé insignifiant. Une jeune fille, bien sûr. À la tête légère. Lise Payette n'avait pas encore écrit ses livres là, sur le féminisme. Et la féminité n'avait pas encore franchi les années 70. Janis Joplin. Tupin, la chanteuse, là. Le loup ne fut pas longtemps arrivé à la maison que la mère grand, il a toc, toc, toc, toc, toc. Toc, toc, toc, toc, toc. Qui est là? Ça, c'est la grand-mère. Qui est là? C'est votre fille. C'est dans le temps du jour de Noël. C'est dans la chanson qu'on apprend la vie. C'est dans les chansons. Non. C'est votre fille, le petit chaperon. Monsieur, le petit chaperon. J'ai bu du sirop d'arabe. Monsieur, il était calciné. Ça me monte aux oreilles. C'est votre petite fille, le chaperon rouge, qui bouge, dit le loup, en contrefaisant sa voix. Qui vous apporte des galettes, un petit pot de beurre du Québec, que sa mère, que ma mère vous envoie. La bonne mère grand, qui était dans son lit à cause qu'elle ne se trouvait un peu mal, lui cria « Ti, ti, ti, ti, tire un joint, viens, non, non, ti, ti, excusez-moi, madame, oh, faites pas ça à la maison, là, c'est incon, ça, incon. Incon, inconcevable. Ah non, non, faut rester sage, verre d'eau, pas de glace. Aux 15 minutes pour pas déshydrater, puis attendre la mort. En se berçant. Tout souvenir de ma jeunesse. J'suis un sage. J'suis pas un sale, j'suis un sage. Il y a une différence entre un sage puis un sale. Le sage, qui se lave pas souvent, devient un sale. Puis un sage, ben ça c'est tout. Ça c'est tout. Ça s'étouffe dans leur conviction. Je sais, je suis un sage. Il meurt. Les pas sages, là, les hip-hop, là. Hein, les vrais, là. Non, c'est pas le hip-hop, ça. C'est quoi, là? Ben, j'en connais. Par le passager. OK. La grand-mère qui était... Tire-toi une chaise, une bûche. Non, non, non. Tire la chevillette et la bobinette chéra. Ça, c'est classique. Là. Tout le monde connaît ça, cette réplique-là. Hein? On le dit ensemble. OK? Un, deux, trois. Tire la chevillette et la bobinette chéra. Ouais, pas grand monde qui répond, hein? Ils n'ont pas suivi. S'il vous plaît, mettez de la vie dans votre vendredi. C'est un tout début. C'est ça, on commence votre vendredi, là. Après, là, il reste quelques heures de travail et c'est la fin de semaine. Vous allez décompresser. Vous allez essayer de comprendre l'émission de ce soir qui est en train de se dérouler. Là, je sais, vous êtes dans un état tout à fait divagant et je peux vous comprendre. Ben oui, voyons. Mais, abandonnez-vous. Restez habillés, là. Abandonnez-vous et on y va ensemble avec la plus connue de la tirade du petit la tirade du rouge. Ça, c'est une fédéraliste. Madame, je viens de comprendre ça, là. Aïe, aïe, donc. Quelle histoire. On va déchirer l'enquête. Allez-y. On y va. Un, deux, trois. Tire la chevillette, la bobinette, chéra. Hey! Oui, je n'arrêterai pas cette phrase-là avant que tout le monde l'ait dit là, avec moi. On va l'arrêter, l'émission. Moi, ça ne me dérange pas. Là. Il reste encore 1h35. Minuit 25 actuellement. Là. Minuit 26 bientôt. Là. Si tu ne dis pas avec moi, aucun problème. On va le faire, on va le refaire. Hey, à 1h55, vous allez être à moitié mort. Là, faites-le, vous êtes en pleine forme. Vous êtes dedans, là. Vous êtes dedans! Dedans! T'es dans l'histoire, t'es dans l'émission, de temps Reynald. Vente de chanceuse. Allons, on y va. Tire la chevillette et la bobinette chéra. Admettons que c'est bon. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme, la vieille bonne femme qui puait, et la dévora. Non, mais il y en a qui aiment ça, les bonnes femmes. En s'informant, « Tu as un chèque qui va rentrer bientôt, là. » Es-tu millionnaire, toi, là? Ton mari avait-il l'argent? Tout en la mangeant, là. Et elle a dit, oh, j'ai jamais vécu ça avant mes 22 ans. Je t'ai même pas marié. Ah, mais là, c'est bon. Et puis donc, il y aura de 3 jours. Hein, ouais, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait pas mangé. Oh, le pauvre vieux cochon. Moi, je fais quoi? Ça fait 46 heures, madame, que j'ai pas mangé. Que je vous ai pas... Bon, OK, j'ai mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'en alla coucher. Il se couchait, il remplaça. C'était le moment de la petite vie là, qui était... Bon. La grand-mère en attendant le petit chaperon rouge. Oh, là, ça commence à devenir épais, hein? Oh. Et donc, toc, toc, toc, là, c'est le chaperon rouge qui arrive, là, toc, toc, toc. Et voici les répliques parce qu'on va terminer, on va dépasser notre temps. OK, attendez. Le petit chaperon rouge qui entra, la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais croyait que sa grand-mère était enrhumée. Ben, ça peut arriver, des dents de migrants, il y en a partout. C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Le loup lui dit, en adoucissant sa voix, tire la chevillette et la bobinette. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit, sous la couverture. Mais, je me prends pour un mouton, moi. Mais, la galette et le petit pot de beurre sur la huche. La huche? Tu veux pas dire la bûche, moi, grand maman? Non, non, la hue. Huche. Et en 2015, dis ça un jeune, mais ça huche. Ça qui? Ça huche, ça hue, ça... Ça dépend où tu veux mettre ça, là. Mais oui, sur la huche. La huche. Il y a une table. Il y a une autre table. Il y a un lit. Où est la huche? Et puis dans la huche. Et viens te coucher avec moi. Oh, tabarn. Se déshabille et va se mettre dans le lit où elle fut bien étonnée de voir comment sa grand-mère était faite en son déshabillé et lui dit « Ma grand-maman, que vous avez de grands bras ?»« C'est pour mieux t'embrasser, ma fille !» Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes. Oh, c'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'écouter, mon enfant, et entendre ces KRL 89.1 à Québec. Et on ne doit pas dire le point, sinon tu vas l'avoir sur ma gueule. Donc, 80, non, sur la tienne, 89.1 à Québec. Ma grand-mère, ma mère grand, que vous avez des grands yeux. C'est pour mieux te voir, excuse-moi. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh. Ma mère grand, que vous avez de grands dents. Parce qu'un scooter électrique, ça fait... Mais là, c'est un moteur, là. Ça pollue. C'est pour mieux te manger! Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le chaperon rouge. C'est un conte traditionnel. Jules Fauque, rue des Enfants Sélectionnés. C'est triste. Que c'est triste, Venise. Peu les amours mortes. Que c'est triste, Venise, toi. Monsieur le Président. 10-4 Roger. 10-4 Roger? Roger? C'est toi, Roger, dans ta bière? Hey, attends. Monsieur le Président? Monsieur n'est pas trop catholique? Mesdames les voluptés, et vous, petit chaperon rouge, ça c'est le moment musical. Quand je vends d'avant, ça tu maman, car les gens de la ville, ville, ville ont perdu mon maître, maman. Les gens de la ville, ville, ville ont perdu ton maître, maman. Oh oui, oh oui, oh oui. Monsieur le Président, Monsieur le Prêtre catholique, Mesdames les Voluptés, vous, chers résidents, résidentes épisodiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone et rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire film improvisée avec votre ma Gigi. Comment ça va, ma petite Gigi? Oh, il y a longtemps, la petite Gigi, là, hein? J'ai rouge comme le petit chaperon rouge. Pardon? Oui. Oh, la petite Gigi. T'es parti? Tu reviens? Pourquoi tu reviens? Pourquoi t'es parti? Gigi? C'est toi, Gigi Lamorose? Cœur de velours, comme une bedaine. T'as un piercing, Gigi? T'as un piercing? Ça n'a pas été là-bas, toi, hein? Qu'est-ce que t'as fait la danseuse encore? La stripteaseuse? La frivole? La petite friponne? La petite chaperon? À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Et puis, il faut bien dire que nous sommes le 11 décembre 2015, que c'est merveilleux! Laissons aujourd'hui, mais à jour, Marie s'en va à ton moulin, Marie s'en va à ton moulin, c'est pour y faire moudre son grain, c'est pour y faire moudre son grain, à cheval sur son âne, ma petite mademoiselle Marianne. Alors, aujourd'hui, le vendredi 11 décembre 2015, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Je sais, je déborde de générosité. Laissons cela chausser les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole. Hein? Pardon? Oh, on a changé le truc, ouais. Laissons cela chausser les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon ami, mon grand ami Fred Lopez, un batteur, un drameur, un homme qui joue comme la batterie. Là. Ça, c'est la trompette. Et lui, c'est de la batterie. Mon ami Fred est un cofondateur du groupe qui a encore un succès exceptionnel qui s'appelle vous avez pas fait vos leçons ça, ben oui The Show, le groupe s'appelle The Show, pas The Show Must Go On, The Show. Il a rencontré Damien Smith. C'est pour ça qu'il a formé ce groupe-là. Il a étudié la percussion au Conservatoire de La Rochelle à l'âge de 16 ans. Il rejoint l'American School à Paris pour étudier le jazz et le piano. Il a fait des tournées avec Touré Konda, le grand Touré Konda, Jeanne Masse, Ricky Martin, Zamama, Holland Cesare, R.D. Farrow, Rachid Barry, Lenny Moss, Michel Bugey, monsieur. Michel Buchel. Michel Boucher. Michel Boucher. Bonjour, Singa. Amahan. Ninesein, Naming. Amahin. Michel Fugain. Et puis, groupe Pippo Martino. Ah ouais, Pippo Martino. Vous connaissez le grand Pippo Martino? Pippo! En juillet 2015, voyons, le trouble fait de CKRL, la première radio associative francophone au monde, se trouvait là à Paris pour rencontrer cet artiste des plus surprenants. Un voyage chargé pour cette nuit chargée. Doublement chargé, oui, d'étoiles, et vous en êtes l'une d'elles. Je m'arrête ici, dans la nomenclature, et je vous souhaite une belle aventure nocturne. Alors, place à l'émotion, aux mots, au lyrisme rénaldien. Bref, place à l'envoûtement, et en avant, la zizi. I'm gonna make it. projets. J'ai du mal à affronter plusieurs choses en même temps. J'ai du mal à faire plusieurs choses en même temps. Je suis obligé de me concentrer sur l'une. Là, je viens de passer 2 ans là-dessus, tu vois. Et là, j'ai besoin, là, cet été, c'est pour ça que c'est bien qu'on joue pas cet été avec ce groupe. Tu veux décompresser. Ouais. Donc répéter, monter des trucs, mais... Donc du coup, je joue sur d'autres projets, je joue avec un mec qui s'appelle Patrick Ruffino. Okay. C'est un bassiste-chanteur béninois. C'est monstrueux. C'est de world music, c'est African funk. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Beaucoup de trance là-dedans. Ouais, c'est, oui, c'est complètement trance. Je parlais de trance là-dedans. C'est ça. C'est-à-dire c'est... Et lui, c'est un pro de ça. C'est-à-dire que les gens, ils deviennent fous. Ouais, ouais, ouais. Et puis ça tourne terrible. Les mecs qui, l'équipe de musiciens, ça joue super. Donc il y a ça. J'ai fait d'autres, il n'y a pas longtemps. Je suis même plus. Et tellement. Mais là, les projets à venir, il y a l'album. Nouvel album, bah là, ça va être concentré là-dessus. Oui. Le truc avec le chanteur, là, où on va peut-être enregistrer. Ok. Parce qu'on en parlait justement d'enregistrer. Puis il y a ta chanteuse russe. Chanteuse russe. Voilà. Ensuite, suite à ton album que tu prépares, Tourner. Peut-être autant de dates ou 60 dates. J'aimerais bien. J'aimerais bien parce que c'est. Et 60 dates en combien d'années? En 2 ans. Ok. Le groupe a été monté en. Cet album il est fait en septembre 2013. Okay. Et on l'a monté en mai 2013. Mais c'est qui a voulu fonder ce groupe-là? C'est toi. C'est moi. En as-tu placé beaucoup de groupes sur la sellette? En as-tu beaucoup préparé? En as-tu monté des groupes ou très peu? Peu. J'avais un groupe qui marchait bien en 92. Okay. Ça s'appelait Couleur Pourpre. Ah ouais? Okay. Donc c'était compo, ouais, comme le film. Ouais. C'était compo, c'était jazz fusion, ouais. À l'époque, quoi. Ouais, ouais. Donc ça, c'était effectivement, c'est un truc, et après j'en ai jamais pu refaire de groupe, tu vois, je suis parti en tournée, je suis parti faire d'autres choses. Mais tu reprends jamais de ce groupe-là, Couleur Pourpre, certaines pièces? Non, parce que ça a 20 ans, tu vois, c'est mais ça même. Tu peux l'arrêter. Ouais, je trouve pas que ça soit... Ah non, c'était une époque. Ouais, c'était une époque, okay. C'était une époque. Ça c'est... Ouais, je pense. Et... Ouais, je réécoute, je vois pas quoi faire. En plus, c'est moi qui ai changé aussi, tu vois. À cette époque-là, c'était la grande époque du jazz fusion. Ah, ouais. Moi, aujourd'hui, quand je fais des trucs et que ça chante pas, ça m'énerve au bout de 10 minutes. Tu veux que ça chante? Bah, sinon, ça m'énerve. Et le seul groupe que je trouve vraiment d'enfer aujourd'hui, où ça chante pas, c'est Snarky Puppy. Oui. Donc, ça, c'est des potes aussi, tu vois. Okay. Donc, ah, oui. Ouais, quand ils viennent, tu verras même sur internet, il y a des jams où on joue ensemble. Oh, okay. Avec Michael. Donc c'est pareil, dès qu'ils viennent, bon, on se voit direct, on s'appelle. Oui. Okay. Bah, là, je dis oui. Parce que c'est quand même quelque chose. Parce que c'est hyper écrit, ah, oui, c'est habité, il y a vraiment un style. Tu t'ennuies jamais, quoi. Je m'ennuie pas, moi. Sinon, quand ça chante pas, c'est des trucs où les mecs font des choruses de 3 quarts d'heure, ça me... Mais les voix, est-ce que c'est des voix que toi, tu peux faire aussi ou... Je chante comme une merde. Ok. Alors tu demandes un musicien ou si tu demandes un chanteur? Ouais, je fais un peu les chœurs. Un peu comme ça. Ok, oui. Mais dans mon groupe, il y a un chanteur. Ok. Qui est tout aussi musicien? Qui est aussi musicien. Ok. Enfin, qui est musicien. Il fait que chanter dans le groupe. Hein. Ok. Il joue rien. Il a il est chanteur. Son instrument. Ah oui, chanteur. Sinon, il joue quoi, de la guitare? Piano. Mais là, dans le groupe, il joue pas. Pourquoi c'est volontaire? Bah, parce qu'il y a un pianiste. Ok. Et puis... Mais il n'y a pas le goût de se présenter à un moment donné au piano, mais non? Oh, si. Mais vous l'avez si arrêté. Si dans le show, si. Non, ah non, non, là non, parce okay. que c'est. C'est pareil, c'est écrit, machin, enfin, c'est okay. pas. Mais. Ah oui, en parlant d'écrit, dans votre spectacle, qu'est-ce que vous faites dans vos concerts? Est-ce qu'il y a de l'impro? Est-ce qu'il y a place à l'impro? Oui. Okay. En fait, quand j'allais voir les groupes de funk, ça m'ennuyait parce que c'était tout droit, c'était écrit, il n'y avait pas d'impro. J'allais voir le jazz. Ça me faisait chier parce que c'était que de l'impro et qu'au bout d'un moment on a besoin de références. Dans ce groupe, j'ai mélangé les deux, c'est-à-dire que tout est écrit et il y a des plages réservées où il n'y a rien écrit. Le délire. Le délire. Et dans tous les morceaux, il y a des chorus, il y a des trucs, il y a des ambiances, il y a des. C'est fait exprès, c'est pas écrit. Alors après, il y a des codes, hein, évidemment, on va pas n'importe où non plus. C'est ça, on fera pas n'importe quoi. Et puis, à force de faire du concert, on voit bien ce qui marche, ce qui marche pas. On a aussi tendance à reproduire ce qu'on fait, tu vois. Ouais. Mais dans tous les titres, il y a des choruses, il y a une intro, par exemple, c'est beatbox, trompette. Donc ça, c'est complètement freestyle. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. On sait juste qu'on doit rentrer tranquillement dans le truc, installer un climat, beatbox s'arrête, la batterie reprend, tout ça, ça s'emboîte, ça avance pour arriver au morceau qu'on va jouer. Mais comment on va y arriver, alors là, on ne sait pas. Alors c'est... ça peut partir partout. Ça peut aller partout. À un moment d'ailleurs, il envoyait les trucs. Il y a eu un moment, j'ai entendu les lignes de basse de Shaft qui passaient par là, j'entendais... Et tu rarement déçu de ce que tu entends ou après le spectacle, tu vois, mais là-dessus, on fera tout ça... Quand c'est... En fait... Je suis jamais déçu quand c'est assumé, okay. Même une erreur. Ah. Elle est assumée, tout le monde se plante. Okay. Personne n'est parfait. Okay. Quand je dis une erreur, c'est... Bon, après, il n'y a pas de... C'est des bons musiciens, donc il n'y a pas de faute de goût, il n'y a pas ce genre de choses, il n'y a pas d'erreur de note, il n'y a pas ça, on n'est plus à parler de ça. Après, il peut y avoir, il peut y avoir un moment où tu ne le fais pas avec le cœur, donc tu ne fais plus réellement de la musique, donc ça décroche. Là, ça décroche. Alors, oui, effectivement, ça, je vais dire. Alors après, je réfléchis, quand on engueule les mecs, on n'engueule pas les mecs, non, c'est pas nécessaire. Peut-être qu'ils ont trop pris l'apéro, alors genre, les gars, calmez-vous. Et c'est vrai qu'à une certaine époque, le jazz était souvent rattaché à l'alcool, à la lutte, à la drogue, avec pas des... Bon, la musique en général. Oui, mais plus le jazz. Ouais. Tu vois les pauvres mecs du jazz. Oh, regarde le punk. Oui, mais Charlie Mingus, par exemple. Les musiciens qui se sont tués. Oh, le rock, oui, le punk. Mais tout musicien... Excuse-moi, je te coupe. Hein. Non, vas-y. Tout musicien, il est sensible, très sensible. Il est habité, il est extrémiste. Non, c'est normal. C'est normal qu'un jour il touche un truc. Je parle pas d'un mec qui va se faire des shoots dans les poubelles. Okay. Il est normal que dans ce milieu-là ça circule et que les mecs. Tu trouves ça. Mais ça te dérange pas, c'est ça? C'est comme. Mais il doit assurer le groupe quand même, il doit assurer avec le groupe. Ah, par contre, assurer. Ah, ouais. Ouais, bah, un mec qui monte sur scène. Un mec qui monte sur scène défoncé et qui fait pas le. Qui fait... Okay. Ça, je peux pas. Okay. Je peux pas parce qu'il y a aussi le public, le respect. Et le nom du groupe. Ça, c'est hors de question. Okay. Hors de question. Mais après, c'est vrai que comme c'est très ouvert et que t'as le droit. Des fois, il y en a qui prennent un peu trop de risques par moment. Ah oui, ok. Arrête de changer ça, c'était très bien ce qu'on avait fait. Le change pas, ça sert à rien. T'as une place faite pour justement t'exprimer. Mais touche pas aux conventions. Donc c'est plus sur des points comme ça où des fois, il y a un excès de générosité, le mec il change le truc, arrête ça, c'est pas bien. Pas ça. On va pas dans ce sens-là. Voilà. Alors des fois, il y a des incompréhensions dans ce domaine-là, tu vois. Est-ce que vous avez rapidement un consensus ou une chicane? J'ai pas compris. Est-ce que arrivez-vous souvent à un consensus lorsque vous en discutez après le spectacle? Ou si vous tirez un peu la... Ouais, en général. Ouais, moi, je suis un peu le patron du groupe. Parce qu'il faut toujours quelqu'un qui tranche. Hein, mais maintenant, le frère, c'est quoi? C'est... Oui, je sais que c'est toi, mais c'est de quelle nationalité? Le Ben? Ouais. Français. Français, ah oui? Ah oui, c'est un groupe français. OK. Ah non, mais toi, tes origines? Ah, moi? Oui. Moi, je suis français, parisien. OK. Et mon père est... C'est ça, OK, oui. Alors, tu veux les parents? Oui. Mon père est né à Oran, en Algérie. OK. Mais pied noir, donc. Oui. Et ma mère, normande. OK. Voilà. Et moi, je suis né à Paris. Quel arrondissement? Je suis né à Levallois-Perret. Ah oui, OK. Donc, tu vois, je suis vraiment proche de Paris, 17e. Ah oui. Voilà. Oui. Alors, moi, je suis un des petits, un vrai parisien. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, oui, on va continuer. Donc, oui, c'est ça, les musiciens sont capables de discuter avec toi sans... Ah oui, et puis on peut discuter de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles, il n'y a rien. Vas-y, on dit ce qu'on a à dire. Challenge on the oldness of all mankind. I thought if we got stunning chances and I treat it motivated. Let's do love. Talking low and say something. It's called a good night. I'm waiting here to review there. I'm gonna make contact tonight. Blood in my heart, night to explode. 25 stories of Detroit, there's more. Faut recadrer, tu sais, c'est des musiciens, c'est des grands enfants, donc faut leur mettre des fessées de temps en temps. Ouais. Et s'il n'y en a pas un pour le faire, bah, ça part dans tous les sens. Mais toi, t'en fais pas partie de ces enfants-là. Si, moi, je suis pire que je suis pire que moi, je suis encore plus enfant. Mais il y a des moments, je peux pas l'être. Je peux pas. Je suis obligé d'être carré. Donc, mais moi, je suis un grand barjot. Je fais n'importe quoi. Est-ce que le fait de travailler avec des musiciens Ça te crée des demandes, c'est assurément. En fait. Ah bah oui, bien sûr. Ça a grandi. C'est ça, mais plus ça va, plus ça s'émancipe. Bah ouais. Et pour toi, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ah bah oui, moi j'ai passé, j'avais parlé du trio avec le Coq Ferro. Et en fait, chaque fois qu'on voyait des artistes, des gens, chanteurs ou guitaristes ou machin qui nous plaisaient, on faisait un test. Okay. Donc en fait, on prenait un concert dans un club et on le prenait. Pas pour vérifier. Okay, alors. Parce qu'en fait, on se disait un truc intéressant chez lui, on aimerait bien faire un truc avec. Okay. Alors, en fait, pour nous, les clubs, c'est les laboratoires. Donc, en fait, on ose, on y va, on essaye, il n'y a pas de limite, on essaye. On va à fond. Et donc, on a pris des chanteurs, des chanteuses, on a monté des projets, il y en a qui n'ont pas et abouti. Des chanteuses viennent d'où, du pop, du jazz. Ça peut venir de n'importe où. Okay. N'importe où. Vous avez terminé, monsieur ? Oh oui. Ouais. Vous voulez autre chose, un dessert ? Je veux bien un café. Café, s'il vous plaît. Alors, ouais. les chanteurs viennent. Ça peut venir de n'importe où. Okay. Il n'y a pas de. Tu vois, j'ai un pote guitariste qui joue monstrueux, qui est serbe. Donc, okay. Là, il faisait Grand Corps Malade, là. Tu vois. Alors qu'il fait. En même temps, il fait Boyen Z. Oh, ouais, donc, tu vois. Ouais, c'est Et lui, on a monté des projets ensemble. Mais comment il joue, c'est incroyable, tu vois. Lui, d'autres chanteuses qui s'appelait Géraldine Delacour, qui a fait. Qui a écrit presque tous les morceaux pour Nadia. Tu vois cette chanteuse française, Nadia. Qui était à Star Academy. Non. Non. Non, non, avant. Bon, oui, qui a fait des gros tubes. Amel Bent aussi, c'est elle. Bon, enfin, qui a écrit. Ouais, voilà, bon, ça, c'est pas rentré, mais c'est pas plus mal, c'est pas grave. Hein. En revanche, en France, ça a cartonné. Bon, bah, c'est elle qui a écrit tout. C'est le café de parole une parole, dans tous les textes. Donc voilà, et qui chante terrible. Donc elle, on a fait des trucs de jazz avec elle, tu vois, alors qu'elle chante pas de jazz normalement. Donc c'est... Elle a une voix. Ah, elle a une voix monstrueuse. Okay. Ah ouais, ça chante, ça chante. Elle peut faire plein de standards, voilà. Sans aucun problème. Et notre copine aussi, avec... qui s'appelle Tania Michel, avec qui on a fait des trucs. Tania, elle chante avec Incognito, elle, maintenant. Ah ouais, que je connais. Donc elle est là-dessus. Est-ce que t'as des... Tu as déjà été en présence d'une voix qui t'a jeté par terre? Réfléchir. Ouais, il y a jeté par terre. Non. Ça, qui... C'est Nina Simone. C'est... Ouais, mais ouais. Non. Ah non. Ça, oui, c'est Nina Simone, quoi. Ouais. Tu vois, c'est comme Peter Gabriel, c'est Peter Gabriel. Ouais, Sting. Ben, Sting. Ouais, ouais. Si, il y a un mec qui s'appelle Bastien Picot. Okay. Qui est à Paris, un mec, c'est un réunionnais, je crois. Putain, la voix du mec, là, comment ça chante. Il y a Tania Michel, que je te parlais. Okay. Putain, comment ça chante. C'est-à-dire que t'as les poils tout de suite. Ah ouais, c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'elle prend le truc, elle t'est envoûtée, quoi. T'as les poils. Est-ce que tu travailles souvent avec elle ou tu veux travailler? Écoute, on a fait plein de trucs. À chaque fois, des laboratoires, des clubs. Et à chaque fois, c'est avec grand plaisir, tu vois, qu'on fait ça. Voilà, après souvent en ce moment, non, c'est un bout de temps que c'est pas vu. Il y a le chanteur de The Show, là, le nouveau, okay, en fait, oui. On a chanté, c'est pas celui-ci, c'est okay. Le nouveau. C'est Jérôme Gallo, qui est un mec, c'est un artiste incroyable. Lui, il écrit paroles et musique, puis il a monté une comédie musicale qui s'appelait Christophe Colomb. Ah oui. Ah, qui a cartonné, c'est lui qui a tout écrit. Mais c'est tout. Pas avec un non. Okay. Non. C'est resté à une échelle beaucoup plus petite, malheureusement, pour lui. Mais la pièce, incroyable. Ça, c'est des trucs, ça, faut faire venir chez vous, ça. Faut absolument que ça se joue. Mais ça dépend aussi, là. Les gens aimeraient bien, mais quand c'est trop gros, on peut pas faire venir. Non, c'est pas gros. Okay. Ça coûte des thunes, mais c'est pas gros. Okay. Mais ça, c'est un beau projet. Et ça, ce mec-là, tu vois, pareil, quand il chante, c'est monstrueux. Okay. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de oui, non, peut-être, ou je sais pas, c'est oui, c'est là. Tu prends l'émotion, tu la prends. Donc tu vois, il y a des gens comme ça. Mais après, Sting, quoi. Ah oui, mais Sting, des inconnus qui se présentent à toi et qui te disent, ben écoute, j'aimerais ça, veux-tu vérifier maintenant? Alors, je te mets ça entre parenthèses, parce que là, peut-être demain, je vais me dire, mais pourquoi j'ai pas dit un tel? Pourquoi je l'ai pas dit? Tu vois? On s'en parlera sur Facebook. Ouais, on s'en parlera sur Facebook. Je t'enverrai des liens, des trucs intéressants. Ce qui me paraît, tu vois, intéressant. Si t'as des liens musicaux aussi, que je puisse télécharger. Ah oui, je t'enverrai, ouais. Ok. Hey, j'ai 10 questions, on va regarder où ça va nous mener. Allez, vas-y. Si tu étais un liquide. Pastis. Ah oui. Mais pastis, c'est quelque chose, là. Bah, pur ou dilué? On va le diluer quand même, okay, on va être gentil. Okay. Ouais. Okay. Ouais. On va un peu le diluer. C'est bon, c'est vrai que c'est bon. Voilà. L'année, ah, tu m'as posé une question, je t'ai répondu tac au tac. Ah oui, mais. C'est ça qu'il fallait faire? Alors maintenant, voilà. Donc, ouais, t'es un bon pastis. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, pas beaucoup d'eau. Si tu étais. Parce que j'adore quand c'est vraiment. Quand c'est pâteux, oui, yaourt oui. Un peu. Oui. Quand c'est très fort, quoi. Sirupeux. Oui. Sirupeux, du sirop. Alors, c'est du bon sirop pour l'âme. Si tu étais, mais pas pour la tête. Si tu étais une ville. Paris. Paris. Pourtant, c'est j'irais bien vivre ailleurs, hein, mais Paris. Mais un arrondissement ou Paris en général? Paris en général. Okay. Paris. Où on tombe, c'est quand même un micro-circuit en soi. Que tu sois dans le 18e. Ah oui, c'est des quartiers. Oui. Mais Paris. Paris, oui, c'est quelle ville. Si tu étais une langue. L'anglais, parce que ça me manque. Ok, t'es une langue. Ouais, je parle super mal anglais, c'est-à-dire que je fais rire tout le monde. Ouais, alors, quand je vais là-bas, je parle. Okay. Mais les mecs sont tordus de rire. Hein. Ils me comprennent. Okay. Ah, c'est bon. Ah oui, ils comprennent. Ils sont morts de rire, mais ils me comprennent. Alors, moi, j'ai, par contre, des fois, je comprends le sens des choses. Okay. Je suis obligé de rattacher des wagons, tu vois. Il faut mimer. Ouais. Alors, des fois. Ouais, non, mais ça se passe bien, mais ouais, l'anglais. Si tu étais une époque. Aujourd'hui. Maintenant. Oh, ouais. Tu te sens bien dans ton époque malgré tout ce qui se passe. Ouais. C'est un prix à payer. Hmm? C'est un prix à payer. C'est un prix à payer. Je sais pas. Je sais pas. C'est un peu une règle. Pour moi, c'est une règle. Une règle d'or. C'est faut être là maintenant. Se projeter, oui. Okay. Regarder derrière, s'en servir pour pas refaire les conneries, oui. Mais je suis bien là en fait. Si tu étais un mot. Un seul mot. Là, je suis obligé de réfléchir, tu vois. Délicat. C'est ce qu'il faut aussi avoir quand on fait du jazz. Ouais, je pense qu'il faut être délicat, même dans la vie, il faut être délicat. C'est... En tout cas, je pense qu'il faut tendre vers ça, faire un peu attention. Et tolérance, c'est peut-être... Bon, ça va ensemble. Okay. Mais tu m'as dit un mot, donc m'en mets un deuxième. Oui, alors. C'est toi qui joues pas le jeu. C'est moi qui vais poser les autres maintenant. J'ai déjà répondu. Si tu étais un aliment. Un aliment ? Un aliment. Oh, un melon. Un melon ? Ouais. Ok. Surtout l'été, quand il fait chaud. Bah voilà. Un bon melon, là. Tu vois, c'est, j'en ai le goût dans la bouche. Ah ouais. Ok, un melon. Alors demain, ce serait peut-être d'autres choses, mais aujourd'hui, je fais un melon. Si tu étais une saison. Printemps. C'est plus frais. C'est entre les deux, c'est bien. Ça régénère. Ça régénère. Ça, tu sors d'un truc, tu rentres dans autre ça chose. Ça redynamise. Ouais. C'est. J'aime bien. Moi, j'aime bien le printemps. Si tu étais un membre corporel. Un œil. Alors dans tous les sens du terme, tout, même les cochonneries. Ben oui. Chez nous, mais c'est ça que t'as vu direct, oui, toi. Ben écoute, chez nous, on a une expression quand on trouve une fille sublime, on dit j'ai l'œil sur une fille. Écoute, là, c'est. Est-ce que ça existe cette expression-là chez nous? Non. Avoir l'œil sur une fille, non. C'est-à-dire. Non. Nous, on a plutôt jeté à l'œil. Jeter à l'œil, c'est-à-dire que je te surveille. Oui. Tu vois, oui. Ce genre d'expression. Garde à vue, ouais. Are you ready? Give it! Let's get serious now! Ho! Bah! Thank you. Let's get serious. Let's get serious. I'm falling in love. Let's get serious. Let's get serious. Let's get serious. I'm falling in love. Won't you ask, baby? Let's get serious. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, come on. Oh. Come on. CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Gagné. Don't you know you had my heart? My heart. But you and I. too. But baby, you were a hippie, and that just wasn't good enough for you. Just what to do. I think it's best you find somebody new. Cause it's all over between me and you. So don't just sit there asking me why. Je préfère la vôtre. Ben oui, ben oui. Puis surtout, le type qui a un œil en vite. Hein, ouais, tiens. Si c'était un moment de la journée. Si j'étais, hein. Un moment de la journée. Fin d'après-midi. 18h. Ouais, ouais. Là où tu passes. Oh, voilà. Ben on boucle, hein. On boucle. Tout se tient dans la vie. Si tu étais un autre individu. Ah. Ouais, voilà, non. Non, non, non. Je peux pas répondre à ça. Je serais personne. Bah, moi. Alors, ton nom est personne. Ouais, non, je vois, je vois pas. Non. Bah, non, parce que autant il y a des gens que j'aime beaucoup, qui me plaisent, machin, mais j'ai pas de. Ça peut être autre chose. Bah, ouais, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je marche sur des œufs, parce que. sur une certaine facette, lui, mais je connais paraît, pas. Il paraît bien, mais lorsque... Exactement. Sa vie a l'air pas mal. Exactement. Et... je vais peut-être garder la mienne, tu vois, en fait. Oui, à choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Ouais. Ouais. Avec ah ouais. tout ce que... Avec tout ce que ça comporte, ouais. Ouais, plein de merde, hein. C'est pas simple, hein, tu vois, c'est pas... C'est... La vie, c'est pas du gâteau. C'est... Ouais, ouais, ouais. C'est pas du gâteau, mais je regrette rien. Je regrette rien et je suis content. Bah, pourtant, j'ai pas grand chose. Hein. Socialement, les gens ils regarderaient ma life, ils diraient c'est pourri. Mais je fais de la musique, j'arrive à un certain âge, j'ai fait de la musique toute ma vie. Je joue avec tous les gens avec qui j'ai envie de jouer. Je rencontre des gens tout, fantastiques tout le temps. J'ai pas de blé, mais j'en ai rien à foutre. Écoute. Ouais, ouais, je suis content. Je suis content. En fait, tu as fait de ta vie ce que tu as voulu. Ouais, exactement. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ouais. Tu n'as pas fait de travail alimentaire. Bon, j'ai fait, si. Okay. J'ai été fleuriste 2 semaines. J'ai bossé. À un moment, j'étais plus passionné par la musique. Je bossais, j'ai décroché. Ça, c'était il y a 15 ans. Okay. 12 ans à peu près. Donc, je me suis mis à faire de l'informatique. Donc j'ai monté les ordi et après j'ai commencé à faire sur le tas et j'ai commencé à faire des programmes et j'avais des potes qui étaient dans la musique, dans des agents de comédiens ou des choses comme ça. Je leur ai fait leurs programmes et encore aujourd'hui je m'occupe de leurs programmes, tu vois. J'ai gardé ça. Programmeur, analyste. Ouais, moi c'est plus concepteur. Okay. J'ai plus conçu. Okay. C'est des espèces de programmes qui sont vraiment dédiés pour leur société, qui n'ont rien à voir avec. Et t'en fais encore aujourd'hui. Et j'ai encore 2-3 potes pour qui j'ai gardé la main là-dessus. Il y a une boîte qui fait du dessin animé. Je m'occupe de leur serveur informatique depuis des années. Ça m'assure un petit peu de blé à la fin, un petit revenu à la fin de l'année, tu vois, mais je n'ai pas de... Boulot alimentaire à chaque semaine. Ouais, non, j'ai pas ça. C'est plutôt des contrats que tu peux... Ouais, et puis ça me permet de pas aller... Enfin, ça me donne un petit peu d'aisance pour ne pas aller... Faire n'importe quoi, ouais. Comment n'importe quoi? Est-ce que tu acceptes n'importe quoi ou si t'es de plus non, en non, plus... Non. Et au début, t'étais-tu comme ça? J'ai toujours été comme ça et ça m'a coûté cher, ça. Ok. Ouais, parce que en plus, moi, j'étais con. Hein. Là, tu me vois, je suis cool. Mais j'étais con, moi, je disais. Hein. Tu joues comme une merde, je joue pas avec toi, dégage. C'est nul de dire ça, c'est naze. Fallait pas le faire, même si c'est vrai. Fallait pas le faire. Ouais. Bon, maintenant, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin, tu vois, mais pas plus tard qu'il y a 2 jours, hein, il y a eu un malentendu avec un mec qui m'a appelé il y a 3 semaines pour faire une date. J'ai pas trop compris la date. Enfin, je suis arrivé au truc pour jouer à 22h, à 21h, j'ai appelé tout Paris, là, j'ai appelé tous les batteurs, j'ai dit, les gars, qui est dispo? Moi, je fais pas ça. Okay. Malheureusement, personne n'est dispo. J'étais obligé de faire le truc. Je l'ai fait, mais... Pourquoi c'était pas ton style? Le mec il chante, il joue du piano, il fait des basses comme ça, on est dans coin de bar avec une batterie à moitié dépouillée. Le mec il fait tout mal, il fait à peu près tout, très rapide, il connaît pas les bons accords, il fait n'importe quoi. Je fais pas ça, je fais plus ça. Là, tu l'as fait parce que... Je l'ai fait parce que j'étais obligé et puis après en plus on jouait de 22h à 3h du mat pour gagner 80 euros. 80 chaque. Oui, heureusement. Ouais. Okay, ouais, ouais. Mais moi, je veux bien gagner 30 euros. Mais si je repars chez moi, que j'ai fait de la musique, un truc de malade et que je suis heureux. Mais si je dois me mettre des contraintes comme ça, faut payer. Quoi, faut payer. Ah, faut payer. Sinon, je fais plus ça. Enfin, je. Tant pis. Peut-être. Alors, si on te le demande à nouveau, c'est un non. Non. Là, je lui ai dit, ouais, tu me rappelles pas. Je referai pas. Ah oui, mais non. Moi, je sais pas. Mais tu as été toujours sélectif. Toujours. Et des fois, j'aurais peut-être dû accepter ou un peu être plus souple, tu vois. Ça m'aurait peut-être permis de faire d'autres trucs et gagner plus de fric pour pouvoir justement faire plus facilement mes projets aussi. En même temps, l'argent pour toi, oui, heureusement que tu en as pour payer ton loyer. Mais ouais, sinon, voilà. Sinon, moi, du moment que je boucle, et puis voilà. Bon, après, j'ai pas de femme, pas d'enfant, tu vois. Donc c'est aussi facile. C'est un luxe. C'est un luxe, parce que quand t'as un gosse à faire bouffer, tu peux pas, la vie que j'ai là, je pourrais pas l'avoir si j'avais un gosse. Non. Je pourrais pas. Non, c'est sûr. C'est un peu un travail de saltimbanque, de vagabond. Ouais. ouais, moi je suis un ménestrel. Un vagabond, oui, c'est ça. Voilà, bon, oh, maintenant j'ai... Donc dans ta voiture, il y a la batterie, il y a tout, il y a ta maison. T'es... Ouais, non, il y a la batterie là parce que je vais jouer. Mais... Ah, tu vas jouer tantôt? Je vais jouer ce soir, ouais. Ok, où? Dans un fin fond du 78. Est-ce que c'est un spectacle privé? C'est un spectacle privé, okay, ouais. Okay. Ouais. Est-ce que t'en fais souvent? Genre, non. Non, non, j'en fais très rarement. Mais comment ça... ça, c'est une soirée privée, ça doit être un mariage ou un truc comme ça, okay, tu vois. Ok, mais comment ça fonctionne? Est-ce que le groupe, bah, tu connais? Ou... Alors, je connais les mecs, mais en fait, le mec qui m'a appelé, je le connais depuis 15 ans. Okay. Mais après, moi, j'ai arrêté de faire les mariages, tout ça, il y a une dizaine d'années maintenant. J'ai arrêté ça parce que ça me coûtait plus cher que ça me rapportait, psychologiquement, alors, tu vois. Ouais. Donc j'ai dit, moi, je fais plus ça, c'est... Mais là, parce qu'il n'y a personne... Ouais, je me concentre plus sur des projets, de la musique, j'ai envie de jouer. Tu vois, comment ça parle entre eux aussi, ça parle, et puis là c'est donc les mecs, le bassiste, je connais les mecs, mais j'en connais un, les autres je connais pas, je sais pas, je vais avoir la surprise, je connais même pas leur nom, je sais même pas. Mais ça... tu sais déjà ce que tu vas jouer? Ouais, j'ai reçu la liste, ouais, je sais déjà. Alors il n'y a rien de stressant? Non, c'est métier. Non, ouais, c'est ça. Là tu mets le pilote automatique et puis tu vas. Okay. Mais ça c'est quand même des contrats assez payants. Oui, bah c'est pour ça que j'y vais. Ok, ouais, c'est ça, non, mais c'est très bien ça. C'est pour ça que j'y vais et j'en fais de temps en temps. Okay. C'est-à-dire que du coup, ça ne prend plus... Avant, j'en faisais beaucoup. Donc, ça prenait ma vie, en fait, tu vois. Alors, tu peux pas te concentrer sur le ouais, projet. Ouais, puis, oui, exactement. Et puis, tu avais la tête prise par ça. Ouais. Aujourd'hui, j'en fais de temps en temps. Je fais que des remplacements. Donc, en fait, j'accepte pas. Je fais pas. On te l'offre et c'est toi qui décide. Voilà, c'est moi qui décide. Donc, c'est ça me paraît être le plus... Est-ce que tu t'es déjà présenté au Festival de Jazz à Montréal? Non. As-tu déjà eu des demandes ou... Non. Non, non, non, j'ai jamais été dans un projet qui a été joué là-bas. Et tu ah, je connais, oui, bah, avec The Show, faut qu'on le fasse l'année prochaine. Oui. Et tout ça, un tournant, t'as personne qui... C'est moi qui fais tout. Ok, alors c'est toi qui vas aller chercher les contrats. C'est moi qui vais chercher les contrats. Okay. Avec ce groupe, c'est moi qui fais tout. Donc il y a des gens qui nous suivent, qui ont l'œil, mais okay, qui misent pas encore. Ok. Mais ils ont l'œil. Et éventuellement, ça va peut-être... C'est, bah, il me faut un tourneur maintenant, tu vois. Ouais, parce que c'est fatigant. Ben oui, en c'est même fatigant. Temps, c'est eux qui ont la liste des. La des liste et puis les droits d'entrée. Oh, oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi j'ai beau appeler, je rentre pas. Tout seul, je passe pas. Parce que s'il y en a un tourneur qui est connu, exactement. Oh, oui, okay, ouais, ben, t'as le truc, oui, j'ai un groupe là, qui vient de commencer. C'est ça peut être une porte vraiment très. Voilà. Est-ce que c'est difficile de se trouver un tourneur? Ouais. Ok. Oui, parce que plus personne mise. Encore une fois, et que, ils attendent que ça marche. Okay. Ah ouais. Ils attendent que ça marche pour te prendre. Yeah. moi, comme j'ai dit, aujourd'hui, j'ai plein de copines, enfin plein. J'ai une copine qui a son projet, elle fait son deuxième album. Elle trouve ses dates et elle a un tourneur. Le tourneur lui trouve moins de dates que ce qu'elle a, elle. Moi, j'annonce 60. Là, je suis reparti, là, en septembre, on en a 7. En octobre, j'ai bloqué parce qu'on record, et après, normalement, je pars sur un autre projet pendant 15 jours en Chine. Ah, tu pars en Chine ? Normalement, ouais. Normalement, c'est pas... J'attends. Est-ce que c'est ton premier voyage ? Ouais, j'ai jamais été là-bas. C'est donc quoi, là, c'est... Est-ce que tu peux m'en parler un peu ? Concert, c'est... Normalement, il y a 10 dates, c'est avec un groupe suisse. Mais comment t'as été approché ? Parce que le sax qui est dans ce groupe, Philippe Selam, joue avec les Suisses. Okay. Et le batteur qui devait partir avec les Suisses et avec Zaz en ce moment, donc qui est un super pote, donc ce serait moi qui partirais. Parce que lui peut pas, donc du coup c'est moi qui pars. Parce que lui il est en tournée. Donc voilà. Donc si tu veux, c'est voilà. C'est merveilleux. Ouais, c'est merveilleux. Si ça se fait, c'est cool. Mais tu vas le savoir quand ? Bon, courant juillet, je pense. Mais ça va l'air de. Tu t'en casses pas avec ça parce que tu veux pas te faire de faux illusions ? Ouais, et puis. Et puis tant que j'y suis pas, tu vois. Ouais, mais c'est un oubli, hein. Ok, toi, t'es un gars du présent. Quand on part. Ouais, bah, j'aime bien prévoir l'avance, tu vois. Surtout sur des trucs comme ça, ça s'organise. Tu pars pas comme ça. Mais tant que j'ai pas le truc signé, Et là, ça va se faire en juillet. Ouais, je sors en juillet. Ouais. Mais t'as-tu la capacité, t'as-tu ton passeport, t'as-tu tout J'ai tout ce qu'il faut, oui, je suis prêt à partir. Ah oui, je pars demain, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est quand même plein de belles choses qui se présentent à toi. Bah ouais. Et puis Fred, écoute, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. De même. Et surtout, parce que c'est à travers des amis, Facebook, ils m'ont dit, bon, c'est quoi là, c'est impressionné. C'est vrai. Bah écoute, c'est cool. C'est cool, en tout cas, on t'a bien parlé de moi. Bah oui, bah écoute, ça fait plaisir. Sinon, les autres, je ne les raconte pas. Hein. Ouais, bah écoute, ça fait toujours plaisir. Tu vois. Et puis ça m'a fait plaisir vraiment aujourd'hui dans cette chaleur. On est bien. Oui, à l'intérieur, mais à l'extérieur, ouais, c'est quand même. Là, je vais me remettre dans ma voiture, tu vois, la clim. Ok. Ouais, est-ce que là, la clim là-dessus. Oh, heureusement. À distance. Non, je regarde l'heure qu'il est là. Ok, chez nous, on peut. Oui. Sais-tu que ce qui existe je veux te remercier pour fermer les magnétos. Merci ouais. d'être passé à mon émission. Ben écoute, merci beaucoup. Et puis on se retrouve au Festival de Jazz. Avec grand plaisir. Au Japon, on va s'en aller au Japon. Et puis, de toute manière, tant que tu es à Paris, là, on va s'occuper. Oui, puis donc, on va diffuser ça. Voilà, tu vas me diffuser mon disque. Oui, le nouveau, je te l'envoie. Ok, et je vais t'envoyer notre rencontre. Et en plus de ça, le moment où mon émission va être diffusée, oui, je vais t'envoyer le lien de l'émission dans sa totalité. Ah, cool. Tu vas voir le côté extravagant de la chose. Et tu génial. Ça ressemble un peu à du free jazz. D'accord. On part dans toutes les directions. Parfait. Vas-y, on voit avec grand plaisir. Je vais écouter ça. On va s'amuser et merci d'être passé. Et je mettrai sur notre site, je mettrai la date où tu diffuses ça, tu vois. Oui. Comme ça, avant de se quitter, on va prendre des photos, bien sûr, pour pouvoir faire des liens, blablabla, comme tu as vu sur mon Facebook. Ça marche. Merci. On va se faire ça. Merci à toi. C'est cool. Super. Ouais. 16 ans. Printemps. C'est plus frais. C'est entre les deux, c'est bien. Ça régénère. Ça régénère. Ça, tu sors d'un truc, tu rentres dans autre ça chose. Ça redynamise. Ouais. C'est ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien le printemps. Si tu étais un membre comme toi-même. Un œil. Alors, dans tout le sens du terme, tout ce que ça peut, même les cochonneries. Ben oui. Chez nous, mais c'est ça que tu as vu direct, oui, toi. Écoute, chez nous, on a une expression quand on trouve une fille sublime, on dit j'ai l'œil sur une fille. Ben voilà, ben écoute, là, c'est. Est-ce que ça existe cette expression-là Non. Avoir l'œil sur une fille, c'est-à-dire. Non. Nous, on a plutôt jeté à l'œil. Jeter à l'œil, c'est-à-dire que je te surveille. Attention, tu vois, ce genre d'expression. Garde à vue, Si tu étais un moment. Mais nous, c'est beaucoup plus que. Je préfère la vôtre. Ben oui, puis surtout, je sais qu'il y a un œil en vite. Hein, ouais, tiens. Si tu étais un moment de ta journée. Si j'étais. Un moment de ta journée. Fin d'après-midi. 18h. Ouais. Là, on te passe. Oh, voilà. On boucle, hein. On boucle. Tout se tient dans la vie. Si tu étais un autre individu. Ah. Non. Je peux pas répondre à ça.

Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.